Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous et bienvenue sur Fadjet. Nous sommes le vendredi 16 février 2018, il est 17h tout pile. C'est bientôt le week-end et c'est surtout un coup d'œil dans le rétro. Alors tout le monde est très excité dans le studio, nous sommes 1645, hein, précisément pour 5 sièges, 6 sièges pas plus. On est ensemble jusque 18h, je le disais, une belle équipe, hein, bien fournie ce vendredi. Et en tout cas, n'hésitez pas, déjà d'ores et déjà, vous pouvez voir nos petites têtes sur les réseaux sociaux. Sur la page Fadjet, un coup d'œil dans le rétro. Pour vous expliquer un peu l'émission, c'est simple, c'est comme ça chaque mois, hein. Un coup d'œil dans le rétro, on décrypte toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode à déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on parle du passé au présent. Et bien sûr l'équipe. Alors on va commencer par Anaïk. Bonjour à toi Anaïk. Est-ce que bonjour François, bonjour tout le monde. Ça va ? Ça va bien, merci. Bien sûr que ça va bien, on est content d'être là. Il y a aussi Clément, bonjour Clément. Salut François. Ça va ? Ouais, et toi ? Vous êtes discipliné là maintenant parce que vous étiez... Oui, discipliné, c'est français ? Oui, c'est français. Oui, c'est français. vous étiez pas là, ça bougeait dans tous les sens. Il fait 45 degrés hein, dans les studios, on a tout chaud. Et elle se partage un micro pour deux malheureusement. Hello. C'est Laurestelle, c'est un mix. Salut. C'est Laura et Christelle. Voilà, elles sont toutes les deux bien collées comme ça, elles sont belles. Il y a aussi qui vient nous voir cette semaine, c'est notre invitée du jour, c'est Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour François. Ça va Catherine ? Ça va. Ah, avec la petite voix. La petite voix qui va bien, qui vient nous parler notamment eh bien, du salon des collectionneurs qui va se dérouler ce week-end. On va en parler d'ici quelques instants. Et aussi, en plus, parce que maintenant, le club Saint-Lambert a de l'envergure, messieurs dames. Il a des stagiaires aussi, c'est wow. Ça Clément ? Présente-nous-les, tiens. Tout à fait. Alors, je suis venu avec deux de mes stagiaires. Je ramène du monde avec moi. C'est bien, c'est bien. Alors, eh ben, je vous présente Tracy et Ninon. Bonjour Tracy et Ninon. Qui nous accompagnent aujourd'hui. Parlez bien dans le micro. J'ai l'impression d'être à l'école des se fans. Tes parents sont dans l'assemblée? Je ne crois pas. Et donc, voilà, on parlera aussi avec vous, notamment d'un événement en particulier. C'est lequel, Clément? Avec les deux stagiaires. Est-ce que c'est moi qui dois répondre? Ah ouais, tu peux, on verra ça tout à l'heure. Mais d'accord. Juste déjà le nom de l'événement. Un dîner-concert à l'Excelsior. Voilà, on n'en dit pas plus, on verra ça tout à l'heure. Alors le sommaire du jour, Anaïk, quel est-il? Alors au sommaire donc de cette deuxième émission de l'année, hein, parce qu'on est au mois de février, donc vous l'aurez compris, on va beaucoup parler donc du salon des collectionneurs, donc qui se passera donc ce week-end avec Catherine qui est parmi nous. Oui. On parlera aussi Flipper, je crois, avec Laura. C'est ça. C'est ça. Christelle abordera les années folles. Clément, expert dans la musique, nous parlera d'un musicien qui se baladait un petit peu du côté de la Nouvelle-Orléans, je crois. Tout à fait. J'en dis pas plus. On parlera également de tendances déco pour faire une ambiance cocooning un peu chez vous. Et puis, on parlera pour finir des sorties qu'il y aura à faire dans le coin sur ces prochains week-ends. Voilà. Un beau programme en tout cas. Je vous le disais, on est ensemble jusque 18h. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Fadjet. C'est sur le 94.2 pour ceux qui sont dans le coin ou peut-être sur Fadjet.net si vous êtes à l'autre bout de la terre. Ou vous pouvez même télécharger l'application sur TuneIn. TuneIn. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est TuneIn et c'est Fadjet. Donc, bienvenue à vous encore une fois de plus. Alors, on va commencer tout de suite notre émission avec notre invité du jour, même si elles sont un peu trois. Enfin bon, voilà, on détaillera ça tout à l'heure. Mais notre invité du jour, entre autres, qui vient, eh bien, pour le salon des collectionneurs, c'est Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour François. Alors, Catherine, qui est. Alors, si on parlait un petit peu de toi dans un premier temps, on aime bien faire ça ici, hein, parce qu'on aime connaître les gens, on aime les gens. C'est comme ça, on s'aime, on fera des bisous après. Catherine, tu es dessinatrice entre autres. Oui, j'ai plusieurs casquettes. T'as plusieurs casquettes, tiens. Définis-nous un peu tes casquettes, différentes casquettes. Alors, je suis dessinatrice, c'est le métier principal. Je suis un peu graphiste aussi. Mm-hmm. Je suis community manager également. Et vice-présidente aussi. Vice-présidente d'une MJC. Ah oui. La MJC Pichon, c'est qui n'est pas très loin d'ici. D'accord. Et puis, accessoirement, je suis collectionneuse et vice-présidente également de l'association des collectionneurs. Ben, je ne savais pas ça, tu vois, je te connaissais un petit peu, mais je ne savais pas que tu collectionnais. Et donc là, donc l'association Lorraine de la collection originale, c'est ouais, l'ALCO, c'est L'ALCO, c'est une association qui existe depuis 26 ans maintenant. 26 ans. Ah oui, ouais, oui, c'est on a, pas oui, d'aujourd'hui. Combien de membres dans cet asso? Un peu plus de 100. Une centaine, d'accord. Oui. Mais on va aussi agréger sur des manifestations d'autres collectionneurs qui ne font pas partie de notre association, mais qui sont sur des thématiques que nous ne pratiquons pas forcément, avec des objets parfois extrêmement originaux. C'est ça, c'est des objets peu courants. Oui. Qu'est-ce que tu appelles un objet original? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a des choses très très très variées. Il va y avoir des petits jouets, ouais, les Kinder que tout le monde a collectionné, ou les fèves ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais il y a aussi nous avons un collectionneur de sacs vomitoires de compagnie aérienne. Ah oui. Non usagé. Ça c'est très oui, non usagé. Oui, c'est un voyage, lui-même est relativement voyageur, voilà, mais donc il voyage beaucoup. C'est surtout l'occasion pour lui d'échanger autour du monde avec des gens qui eux-mêmes voyagent et de se faire envoyer des sacs venant de toute compagnie aérienne. Donc ce qui veut dire que les gens qui lui envoient n'ont pas été malades eux-mêmes. C'est d'accord. Ça. Tu disais que tu étais collectionneuse aussi, toi? Tu l'as pas dit, ce que tu collectionnais? Alors moi, je collectionne les grenouilles. D'accord. Je collectionne les plumes de dessin. Alors les grenouilles, les vraies? Ce sont des vraies grenouilles. Ah, oui, mais des... Des matériaux divers et variés, pas des vrais. Oui. Non, je me suis arrêtée à 3 ou 4 ans de les ramener en vrai à la maison. Ah bah, allez. Donc c'est des petites sculptures, c'est voilà, quoi? Voilà, exactement. Ou, peu importe, ou en dessin, ou des lithos, ou toutes sortes, ou des objets même qui peuvent être en forme de... De en forme de grenouille. Et les calaveras, c'est-à-dire les vanités et têtes de mort décoratives, plutôt Antilles et Asie. Ah, c'est spécifique. Je me demande comment on devient collectionneur de ce genre de choses, quoi. On tombe dessus un jour et puis on se dit pas, tiens, j'en veux plein. Alors, oui, sans doute. Ouais. Alors, il y a des collectionneurs, je ne vais pas dire pathologiques, c'est ça, mais il y a des collectionneurs qui vont collectionner tout un tas de choses parce que c'est la collection, il faut en avoir. Et il faut avoir tout de la collection. C'est pas mon cas. J'ai des collections parce que j'ai eu des histoires d'amour avec des objets. Ouais. Et que ensuite j'ai voulu en savoir plus et j'ai collectionné les objets autour. D'accord. Alors moi j'ai une question. Vas-y, t'es moi. Oui. Comment ça s'appelle quelqu'un qui collectionne les grenouilles? Parce qu'il y a tout un tas de noms pour les ranaphile. D'accord. Ok. Ouais. Voilà. Rana c'est le nom latin. Ok. Donc voilà. Okay. La rainette. Okay. Rana. D'accord. Donc on retrouvera notamment peut-être des grenouilles dans vos salons. Non, parce que j'amène mes plumes. T'as pas des plumes? Ouais, j'amène des plumes. D'accord. Donc on retrouvera que des plumes. Oui. Voilà. Donc, ouais, ok. Ouais. J'amènerai peut-être une petite boîte de grenouilles pour faire des échanges. Mais dans le salon là, parmi tous les collectionneurs, oui, tu sais déjà ce qui va y avoir? Ah oui, j'ai tout. Pour présenter aux gens et voilà, savoir un petit peu alors, ce qu'on va y trouver. Sauf imprévu, parce qu'il arrive parfois que des gens puissent pas venir ou que des gens amènent une autre collection que celle qui est prévue au départ. Mm-hmm. Oui, on a quand même une liste. Il y a une soixantaine de collections différentes. Alors, il y a trois activités différentes sur le salon. Donc il y a les expositions de collections. D'accord. Donc vont représenter une soixantaine de vitrines. Donc là, on peut pas acheter. Enfin, non. Non. D'accord. Mais certains de ces collectionneurs ont également des tables d'échange ou de vente. D'accord. Et à ce moment-là, sur la table d'échange ou de vente, on peut échanger ou acheter des objets. D'accord. Et quand on échange, il faut que ça ait la même valeur. Enfin, comment ça se passe en fait? C'est pas en fait. Hein, parfois la valeur peut être plus importante, mais comme on cherche un truc bien précis. Ouais, mais alors il y a différents types de collections. Quand tu collectionnes les plaques de muselet de champagne, il y a une cote. Donc là, oui, c'est une valeur précise et c'est temps pour temps. Et quand tu collectionnes les grenouilles, il n'y a pas de cote. Donc c'est à l'estime. À l'estime. Ouais. Et le salon du coup des collectionneurs, ça fait longtemps en fait qu'il se fait du coup avec l'association. Ça fait combien de temps que ça existe? Alors le premier salon, on l'a fait à peu près à nos débuts, mais au début on était d'accord, à la mairie. Oui. Celui on le fait à Gentilly depuis l'an 2000. D'accord. Oui, donc c'est quand même c'est quand même un succès. Oui, parce que du coup vous le refaites chaque année. On le refait chaque année au même endroit. endroits. Ouais. Malheureusement, ça sera pas le cas l'année prochaine parce que la salle va être fermée 18 à 20 mois. D'accord. Pour des travaux. D'accord. Donc l'année prochaine, on est sur des solutions de repli. Et du coup, au niveau des horaires, donc ça se passe, on le rappelle, ça se passe donc le 17 et le 18, donc c'est samedi dimanche. Donc le samedi, je prends mon antisèche. Vas-y, donne, qui est un peu encombrante. le 17, c'est de 14 à 18 heures. Mmh. Le 18, c'est-à-dire dimanche, c'est de 9h à 18h et l'entrée est à 2 euros et c'est gratuit pour les enfants. D'accord. C'est pas cher. Non, c'est pas cher, c'est complètement accessible. C'est pas cher et donc pour avoir environ 140 personnes présentes qui vont présenter des objets et des collections, il faut bien compter 1h30, 2h de visite. D'accord. Et vous voyez la salle de Gentilly, elle est très grande. Ouais, elle est grande, très grande salle. Elle est occupée à 100%. D'accord. Et donc, on peut retrouver ça aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a une page Facebook, un événement. Alors, il y a blog. Une page Facebook. Je ne sais pas s'il y a un événement. Oui, il doit y avoir un événement. C'est probable. Alors, en tout cas, il y a au moins une page Facebook. Donc, qui doit être Alco ou Salon des collectionneurs. Je ne sais plus quel nom elle est. Et vous avez un blog aussi. Moi, j'avais vu qu'il y avait un blog aussi pour l'asso. Et si on veut devenir membre de l'asso? Eh ben, il faut avoir une collection, il faut la montrer un peu et puis venir discuter avec nous, par exemple sur un salon et puis ou prendre contact. Donc on a une adresse mail, un téléphone. D'accord. Mais je commence à avoir une petite collection de nœuds papillons. Eh ben oui, oui, ça pourrait vrai. Faire l'objet d'une belle exposition. Bah, c'était petit, hein, c'est pas grand chose encore hein, pour le moment. Mais si tu veux les exposer, on est prêt à t'accueillir. Pas cette année parce que c'est plein à craquer. Mais l'année prochaine, si tu veux. Bon, bah, je vais essayer d'étoffer ma collection. Bah, merci. Il y en a des très jolis en bois. Il y en a, oui, en bois. Et au Fripp Show aussi. Oui, il y en a au Fripp Show. Ah, tiens, on en parlera aussi dans un instant, le Fripp Show. D'ailleurs. Alors, bah, merci Catherine. En tout cas, on va en parler encore un petit peu tout au long de cette émission. Donc, n'hésitez pas. Ça se passe ce week-end, je le rappelle, c'est le salon des collectionneurs, 17 et 18 février, la salle des fêtes de Gentilly. On va faire une première pause musicale. Tout le monde connaît cette musique, bien sûr. N'est-ce pas, Anaïk? Tu sais, la première qu'on va parler. Oui, je sais, c'était Les Jours Heureux. Les Jours Heureux Happy Day en France, c'est une sélection de 26 épisodes, hein, issus des saisons 1 à 3 qui a été diffusée à partir du 22 août 1976 sur TF1, notamment sous le titre Les Jours Heureux. On connaît cette série qui a brossé le portrait idéalisé de l'Amérique des années 50 et du début des années 60. Et elle met en scène la vie de Richie Cunningham, un étudiant un peu coincé de sa famille, d'Arthur, Fonzie, Fonzarelli, jeune loupard, au cœur tendre et de leurs amis. C'est Happy Days, les amis. Un coup d'œil dans le rétro jusque 18h. Écoutez ça et on revient juste après. Gonna cruise her around the town, show everybody what I found. Rock and roll with all my friends, hoping the music never ends. Gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, can't be wrong. Rocking and rolling all week long. These days are what you demand. These days are what you demand. Hello sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on a chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her all I can. Happy Days de Pratt et MacLean sur Fadiette. À quoi clin d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On est ensemble jusque 18h, les amis. C'est un coup d'œil dans le rétro. C'est le troisième vendredi de chaque mois. On est très heureux d'être avec vous. Hein. On se 16 février. Voilà. Tout le monde a fêté la Saint-Valentin ? Oui. Voilà, mon tristesse, il me rappelle. Oh là là. Je trouve que t'as un petit air de Fonzie, toi. Je sais pas, je viens d'avoir un flash, en fait. Je rappelle, en fait, quand. Un Fonzie mexicain, un peu, non ? Non, mais tu sais, il sortait toujours son petit peigne. Tu sais, le tout petit peigne, et puis il se recoiffait comme ça, puis il faisait comme ça. Tu sais, j'avais une banane à un moment donné. Mais c'était compliqué parce que j'étais en scooter à chaque fois, ma banane était toute aplatie. Mais j'arrivais bien quand monsieur était pas trop long, tu vois, j'ai gonflé, puis je laquais le truc à mort, j'adorais ça. Mais c'est compliqué à tenir au quotidien. Ah bah oui, non, mais c'est du travail. Ou alors, pas dans notre région, parce qu'après ça frise, ça devient une pieuvre. C'est dégueulasse. Ouais, non, mais c'est ça. C'était juste un petit aparté comme ça. Bon, bah voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Hein. Non. Alors, les amis, on continue cette émission, je le disais. Alors, bah justement, tiens, tu parlais de Fonzie. Fonzie, il était toujours en train de bousculer un accessoire. Je crois que c'est lui qui bousculait tout le temps. Il s'excitait. C'est aussi un peu le. Tu sais, bah si, c'est les mecs un peu virils, ils sont là, ils s'excitent avec le flipper, tu vois. Ils veulent le faire tilter, quoi. Oui. Bah, justement, j'ai dit le mot, c'est le flipper. Et le flipper, il y a une personne qui va nous en parler. Allez, aujourd'hui, c'est Laura. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du flipper, donc un objet de collection également, qui a permis à bon nombre de personnes de s'amuser pendant des heures. Ouais. Donc le flipper était aussi appelé machine à boules en québécois et pinball en anglais. Donc c'est un jeu d'arcade à monnayeur dont le principe est de marquer des points en dirigeant une ou plusieurs billes métalliques sur un plateau de jeu séparé du joueur par une vitre. Oh, c'est bien expliqué comme voilà, ça. Voilà, hein. C'est schématique. C'est bien expliqué. Alors le but du jeu c'était quoi ? C'était de marquer un score le plus élevé possible. Il y avait des buts secondaires aussi, donc de jouer le plus longtemps possible. En évitant que la bille ne sorte du plateau. Donc ça faisait un peu criser d'ailleurs. Ouais. On pouvait obtenir aussi des billes supplémentaires, voire des fois plusieurs billes simultanément sur certains modèles de flipper, et aussi de pouvoir gagner des parties gratuites. Ouais, et c'était toujours très coloré quand tu gagnais, t'avais l'écran qui était en face, enfin c'était le feu d'artifice quoi, t'avais plein de lumière. Avec plein de bruit, ouais. Super. Moi j'y éteignais en dessous puis je le rallumais. C'était ma carte de vœux cette année. Alors, on en est où ? On en est à la carte de vœux. Je continue. Donc le flipper a connu un énorme succès des années 50 à 90 et la plupart des cafés, des bars, des salles d'arcade, on avait pour leurs clients quoi. Pour la partie historique, le flipper serait un dérivé du jeu de bagatelle apparu en France au début du 18e siècle. C'était un jeu avec des grosses billes en fait que l'on devait amener dans des trous avec différentes valeurs attribuées. C'est l'ancêtre. Un espèce de plateau comme ça ? Ouais, un plateau en bois. Ah, mais oui, ça mais... c'est ah, en oui, fait ça serait oui, l'ancêtre du flipper qui avait connu un vrai succès au point que des soldats français l'importèrent en Amérique du Nord lors de la Révolution américaine. Et dans les années 20 aux États-Unis, pendant la période de prohibition, seraient apparus les premiers flippers. Donc c'était une période où l'alcool se vendait en contrebande, où la mafia était très présente. Et comme l'alcool ne suffisait plus à satisfaire des clients, selon la légende, le flipper serait né à ce moment-là à Chicago, mis au point par des mécaniciens et des électriciens au chômage en 1929. D'abord classé comme un jeu d'argent et de hasard, parce qu'il faut savoir qu'en fait le flipper c'était pour gagner de l'argent à la base. Voilà, il a été interdit dans plusieurs grandes villes américaines, notamment quand Roosevelt est arrivé comme président, il voulait opérer un retour à une Amérique très puritaine, donc du coup il a interdit toutes sortes de machines à sous, tout jeu d'argent. D'accord. Donc en fait les flippers ont été interdits pendant presque 40 ans aux États-Unis. C'était vraiment un jeu clandestin. Mais le flipper n'a pas dit son dernier mot. C'est-à-dire que les gains vont être remplacés par des parties gratuites. Les industriels ont vu un potentiel énorme de ce jeu. Ils se sont lancés dans des véritables innovations. Donc on peut tous se souvenir des flippers très colorés avec des néons, des bruitages, les scores qui apparaissent un peu partout là. Et le flipper deviendra électronique dans les années 70. Et il subira son déclin dans les années 80 et 90 avec l'essor du jeu vidéo. Pour la partie anecdote, le flipper aura donc été pendant des années un jeu clandestin aux États-Unis, puisque la plupart avaient été confisqués. Et l'interdiction ne fut levée qu'en 76, après que les fabricants aient réussi à convaincre que le flipper était devenu un jeu d'adresse et non plus un jeu de chance pour gagner de l'argent. Donc ils ont eu un peu de mal à défendre leur bout de gras, mais ils ont réussi. Et les flippers ont aussi connu un retour assez modeste dans les années 90. Et notamment, il y a eu un best-seller dans les années 90 de flipper. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, comme flipper. Non. Vous vous rappelez ? C'était celui de la famille Adams. Moi, c'était mon préféré. J'y ai joué pendant des heures. Ah oui ? Et en fait, quand tu entendais la musique, ta-na-na-na, voilà, Merci. T'entendais ça en même temps que tu jouais. Il était vraiment super bien. Il s'est vendu à peu près à 20 000 exemplaires. Et j'avais rencontré, moi, un professionnel spécialisé dans la vente de flippers dans un salon. Il m'avait dit que c'était assez dur maintenant de se le procurer, mais il avait vraiment cartonné à l'époque. Et il est possible de s'acheter un flipper d'occasion. Par contre, c'est assez difficile de se faire une idée des prix. Donc, j'ai regardé sur Internet, c'est très compliqué. C'est cher, Il y a plein d'annonces et les prix sont très variables, donc on s'y retrouve pas trop. Et en fait, moi, je m'étais renseignée donc, justement sur les prix par un spécialiste et il m'avait expliqué que pour en avoir un bon état de marche, donc en comptant pas trop de réparations, et puis avec un thème sympa et assez connu, il faut compter entre 4 000 et 5 000 euros minimum. Ouais, quand même, sinon, il y a des gammes en dessous, mais ce n'est pas forcément de la bonne qualité. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est des machines assez complexes. Il y a de l'électro, il y a de la mécanique, et il y a souvent des pannes. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des salles de jeu les avaient virées au fur et à mesure, parce qu'il y avait tellement de réparations, ça engendrait des coûts, ce n'était pas rentable pour eux. Donc du coup, c'est quand même mieux de passer par des sites spécialisés, par des revendeurs pros, parce qu'eux, ils se chargent de la maintenance et des réparations. Contrairement à si on passe par exemple par un particulier, on peut faire des réparations. Après, il existe pas mal de pièces détachées en ligne. Donc, si on est bricoleur, pourquoi pas, mais il faut s'y connaître un petit peu. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Dans les années 2000, le flipper connaît un renouveau aussi, notamment dans le milieu des collectionneurs. Et la cote de certains modèles s'envole. Et il y a des joueurs qui se sont organisés en club pour créer des compétitions. Donc, en France, il y a une ligue nationale des joueurs du flipper. Ah oui ? Ouais. Et le flipper aura été aussi repris en jeu vidéo. Ça, je sais pas si vous avez déjà joué, mais ils ont reproduit des simulateurs de flipper, mais c'est vachement moins marrant parce que t'as pas la sensation de la machine. Donc, pour les citer des jeux vidéo connus, il y a eu 3D Pinball sur Microsoft. Il était à côté de Paint. À côté de Paint. Et ça existe même sur Android. Il y a des applications pour ça. Et heureusement, il reste encore quelques fabricants de flippers, notamment aux États-Unis, comme l'entreprise Stern Pinball basée à Chicago, qui produit encore des nouveautés, donc notamment sur des thèmes récents comme Transformers, AC/DC, X-Men, Les Gardiens de la Galaxie, Walking Dead, Game of Thrones. Enfin, ils proposent en fait des flippers modernes. Et selon le président de cette entreprise, il aurait vendu plus de 5000 machines en 2012, soit même pas le quart des ventes d'un succès comme la famille Adams dans les années 90. Oui. Donc on peut quand même dire que la vente de flippers, c'est un petit peu délicat maintenant. Et lui, il se revendique comme le dernier fabricant de flippers, mais moi, après avoir fait des recherches, et puis pour conclure aussi ma chronique, je vais vous parler de deux Français qui sont dans la Marne. Ils se sont associés pour créer une entreprise Phoenix Pinball, et leur défi, c'est de relancer l'industrie française du flipper. D'accord. C'est vachement bien. Bah oui. Donc ils ont emménagé dans une usine de 4000 m² dans la Marne. Et ils ont lancé la commercialisation et la production en automne dernier. Leur objectif est de lancer deux nouveaux modèles par an qui seront entièrement fabriqués dans leur atelier. Donc ça sera du Made in France. Et l'ordre de prix est vraiment abordable. Donc c'est 5000 euros, pour compter, pour une machine neuve. Donc on peut quand même dire que le flipper a encore de l'avenir. Et alors à quand le grand retour de ces machines dans nos cafés ? Je pense que ça marcherait, ça. Alors après, c'est peut-être un coût d'entretien, tout ça, qui coûte trop cher. Il y en a encore, Ah oui, oui. Mais au c'est café vrai que... en bas de chez moi, il y en a. Ah bon ? Ouais, il y en a à Nancy. Ouais. La brasserie du Sacré-Cœur, ouais. Même au McCarthy, à Nancy, il y en a. Il y en a encore, donc voilà. Hein. Mais écoute, et après, pour en avoir un chez soi, bon, il faut quand même compter un certain coût. Certains coûts. Et ça prend de la place aussi. Et ça prend de la place. Il faut avoir une petite place. Dans l'appartement, il ne faut pas être dans un 30 mètres carrés. Sinon, tu as la moitié qui est prise. Merci Laura, en tout cas. Mais pour ça. Alors, tu as une proposition musicale, un choix de musique. On vous donne le choix aussi à chaque fois. C'est Going Up the Country. C'est et c'est de qui ? J'adore. De Canette Hit. Trop cool. Tout le monde reconnaît bien sûr ça. C'est même pas un titre, c'est pas quelque chose que j'ai repris en pub aussi. Si, avec le petit bonhomme qui sortait du journal. On en parlait l'autre jour, c'est triste ça, parce qu'on a, que cette impression de pub souvent et on oublie l'artiste original. Mais bon, en tout cas, c'est Canette Hit. Ils ont fait Woodstock quand même. J'ai arrêté l'anglais en CM2. Il est 17h23, les amis. Vous êtes sur Fadjet. On se retrouve juste après ça. Fadjet. C'est plus qu'une radio. Et oui, c'est plus qu'une radio. On est ensemble jusqu'à 18h, je n'ai de cesse de le répéter. En tout cas, on est très heureux d'être là. N'hésitez pas à venir nous rejoindre un peu aussi sur les réseaux sociaux. On est à combien de likes là? Je crois 600, 700. Ce qui serait bien, c'est qu'à la fin de l'émission, on soit à 2000. C'est pas possible. À 2000? C'est pas possible. Tu fais comme... si chaque personne de la salle like la page, vu qu'on est tellement nombreux aujourd'hui. C'est vrai. Est-ce que tu fais comme Hanouna, si t'atteins un certain nombre de likes, tu as un défi? Non, tu ne fais pas comme ça. D'accord, ok. Je ne fais pas comme lui. Je veux 2000. Je veux le faire juste par sympathie pour notre émission. Qu'on mène de main de maître. Il faut le dire, il faut savoir avoir un peu de fierté comme ça depuis 4 ans déjà. Elle a cesse de s'étoffer d'ailleurs. On parlera aussi, ça m'a fait penser à Adrien qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. On parlera aussi de lui. Pourquoi n'est-il pas là? Hein? Parce qu'il y a, il y a un projet. Il y a quelque chose de caché derrière. Hein? Voilà, pas derrière Adrien, ne cherchez pas, il n'y a rien derrière. Mais en tout cas, voilà. Et un revenant aussi, plusieurs émissions. Il n'était pas là, deux au moins. T'es pas venu pendant deux émissions, Clément. Oui, c'était justement pour mieux préparer mon comeback. T'as amené ton motif? T'es passé à la vie scolaire? Oui, c'est bon. C'est venu par ma maman. D'accord. Donc t'étais malade, c'était ça? Oui. T'étais un peu toussant. Un peu tout ça, mais ça va mieux. Et ben Clément, en tout cas, il va nous parler d'une figure du jazz. C'est Jelly Roll Morton, n'est-ce pas? Tout à fait, parfait, c'est exactement ça. Et ben voilà. Oui, donc c'est vrai que depuis maintenant un moment, je vous raconte la vie de grands musiciens américains. On a déjà parlé de Fats Waller avec sa vie à Chicago, sa virtuosité au piano. George Gershwin également, garçon prodige de la grande musique américaine. Son rapport avec la ville de New York, j'en ai parlé en octobre dernier. Seulement voilà, j'ai commis une faute. Grave. Faute très grave. Qu'est-ce que t'as fait? Il y a des gens qui t'ont repris, qui t'ont appelé et tout, qui t'ont dit qu'on m'insulte. Oui, j'ai été appelé. Oui. D'accord. Une faute très grave pour quelqu'un qui se targue de raconter l'histoire du jazz. En effet, j'ai complètement laissé de côté le sud des États-Unis, la Louisiane et, bien sûr, la Nouvelle-Orléans. Entre la guerre de sécession et le début du XXe siècle, les États-Unis connurent des bouleversements radicaux. L'agriculture et la campagne cèdent le pas à l'industrie et au paysage urbain. La fin de la guerre voit l'abolition de l'esclavage, entraînant la migration de nombreux Afro-Américains vers les grandes villes du Nord. Les villes américaines accueillent de plus en plus de personnes de culture et d'origine ethnique différentes, mais aucune ne le faisait avec plus de chaleur et de convivialité que la Nouvelle-Orléans. Fondée par les Français, elle avait connu la domination espagnole avant de devenir américaine. Afro-américains, français, espagnols, amérindiens et j'en passe s'y mélangeaient plus facilement que dans n'importe quelle autre ville et l'atmosphère était propice aux échanges culturels, ce qui donna lieu à l'invention de nouvelles formes d'expression. C'est dans ce sympathique gumbo, le gumbo pour la petite histoire, c'est un mélange d'épices utilisé dans la cuisine néo-orléanaise, ce sympathique gumbo, c'est de là que le jazz a tiré ses racines, une grande partie de ses racines, quelque part dans les années 1880. L'histoire du jazz, parce que à chaque fois c'est vers ça que je reviens, ainsi que celle du musicien haut en couleur que je vais vous présenter aujourd'hui, sont très fortement liées à un quartier emblématique de la ville, le quartier de Storyville. Il se trouve que Storyville, c'est le quartier des maisons closes. Et c'est là que notre musicien va faire ses premières gammes. Ce quartier naît d'une volonté politique de limiter les activités de prostitution encore légales à l'époque, dans une enceinte bien précise de la ville. Alderman Story, qui donnera son nom au quartier Storyville, conseiller municipal de la Nouvelle-Orléans à l'époque, fait appliquer le texte suivant, je cite. À compter du 1er octobre 1897, il sera interdit à toute prostituée publique ou femme notoirement abandonnée à la lubricité d'occuper, habiter, vivre ou dormir dans toute maison, pièce ou réduit à l'extérieur des limites suivantes. Au sud de Custom House, de la rue Basin à la rue Robertson, à l'est de la rue Robertson, de la rue Custom House à la rue Saint-Louis, et de la rue Robertson à la rue Basin. La rue Basin. Basin Street. Qui va être la principale avenue du quartier et donnera son nom à un des blues les plus célèbres, le Basin Street Blues, interprété ici par Madame Liz McComb. Now come along with me. New ones to quartier de Storyville devient rapidement le quartier le plus fréquenté de la ville, vous vous en doutez. On y trouve tout un tas d'établissements, depuis l'hôtel de passe à 50 cents à la maison de luxe. Très vite attiré par ce business florissant, d'autres établissements poussent comme des champignons, bars, maisons de jeux, saloons. Le quartier devient une véritable ville dans la ville. La police touche évidemment des pots de vin, les politiciens fermant les yeux car ils possèdent des parts dans la plupart des établissements quand ils ne les fréquentent pas tout simplement. L'esclavage est certes aboli, mais la ségrégation fait foi. Seuls les blancs ont le droit d'y entrer en tant que clients. Le seul moyen pour les noirs de fréquenter les lieux était soit d'y entrer en tant que serveur, soit en tant que musicien. On y arrive. Dans l'enceinte de ces établissements, les musiciens sont livrés à eux-mêmes, libres de jouer ce qu'ils veulent. On en vient vite d'ailleurs à manquer de partitions, du coup, on improvise. Et comme il y a souvent des cuivres autour des pianos, ben les cuivres, après avoir joué le thème, improvisent à plusieurs. Et c'est ainsi que naissent les premiers orchestres dits de Dixieland, dont la particularité est que la clarinette phrase en même temps que la trompette, que le trombone y va aussi de son solo, en même temps bien sûr que la chanteuse, le tout dans un joyeux bordel. It was down in old Mayfield's barroom. Oh, jazz playhouse it is. Around the corner by the square, Jackson Square. Drinks flowed all around as usual. A drunk and high crowd was there. Deep in a plush, cozy corner, with her eyes bloodshot red, sat a wise, slick, gambling lady. C'était Didi Bridgewater interprétant St. James Infirmary. Bon, venons-en à notre musicien. C'est au milieu de la vie de ce quartier qu'il prendra son essor. Il sera le premier à laisser une véritable place à ses musiciens pour interpréter leurs solos, leur laissant une grande liberté d'improvisation. D'origine créole et française, Monsieur Ferdinand Joseph Lamotte, né en 1885, choisit le nom de son beau-père Mouton et l'américanise en Morton. Quant à Jelly Roll, c'est une pâtisserie roulée, fourrée à la confiture. C'est également une métaphore sexuelle suggérant qu'il avait un gros bazar. Jelly Roll Morton va ouvrir le jeu du ragtime. Le ragtime, c'est un style pianistique dont je parlerai plus tard dans une autre chronique. C'est un style de jeu de piano qui est très écrit, très scolaire et très cadré. Jelly Roll Morton va se libérer des partitions et va inventer un nouveau style. C'est également un des premiers à écrire de vrais arrangements pour les cuivres, leur laissant un timing bien précis pour leur phase d'improvisation, ce qui plus tard ouvrira la voie des big bands dans les années 30 et préparera le terrain à un certain Duke Ellington. Il voyage partout, devient le premier musicien de son temps à être richissime. Sur ses cartes de visite, il fait même imprimer « inventeur du jazz ». Il devient certes détesté par ses concurrents et de par son arrogance et à cause du fait qu'il déclare partout qu'il a tout inventé, mais on ne peut pas lui contester son don indéniable et le fait qu'il laissait ses musiciens s'épanouir. On sortait forcément grandi d'avoir joué avec lui. Une de ses formations les plus célèbres sera les Red Hot Peppers, à ne pas confondre avec les Red Hot Chili Peppers, le groupe de rock d'Anthony Kiedis fondé en 83. Il payait ses notes avec des billets de $1000, se faisait couper ses costumes par les meilleurs tailleurs et s'était même fait poser un diamant sur une de ses incisives. Le premier artiste de gangsta rap était déjà là avant l'heure. Nous ne sommes qu'en 1920 et tous les ingrédients d'une success story people sont déjà là. Il était riche, beau, talentueux, plaisait beaucoup aux dames et s'affichait d'ailleurs toujours avec une à chaque bras. Charles Mingus, dans son autobiographie, écrivit ceci. « Quand on était noir à cette époque aux États-Unis, on ne pouvait s'en sortir qu'en étant musicien, boxeur ou proxénète. » Jelly Roll Morton embrassa probablement deux de ses carrières et ce n'était certainement pas celle de la boxe, bien trop dangereuse pour les mains. Il a ouvert la voie au ragtime, au swing et a pavé la route pour les futurs grands noms du jazz. 70 ans plus tard, en 1998, quand l'héritier du grand Miles Davis, le jeune prodige trompettiste Wynton Marsalis, enregistre un album en hommage à Jelly Roll Morton, c'est la stupéfaction sur la scène jazz internationale. L'élève, qui devait aller plus loin que son maître dans l'exploration, à l'avant-garde de nouvelles techniques et sonorités du jazz, se retourne vers la musique de ses ancêtres. Bien, c'est qu'on était arrivé au bout d'une histoire. Wynton Marsalis sentait que l'innovation n'était plus devant. Par contre, il est temps de rendre à la communauté ce qui lui revient. Le jazz des Afro-Américains est la musique classique du XXe siècle, nous dit-il. Il mérite un musée. C'est notre musique, c'est nous qui avons les clés, nous qui en sommes les gardiens. Visitons donc l'étage consacré à Jelly Roll Morton et finissons sur une sonorité très dynamique avec la reprise du fameux Black Bottom Stomp, composé en 1925 par notre ami Jelly Roll Morton. Button Stomp sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors Clément, c'est un peu notre historien, hein. Ça fait un peu ça, historien du jazz un peu quand même. Hein. En fait, on fait des immersions avec Clément, c'est ça qui est oui, cool, parce qu'il y a une ambiance. Oui, il nous compte un petit peu, c'est un peu une espèce de mix entre Pierre Belmar et Ondelat. Il a une voix en plus qui s'y prête. Non mais il a une belle voix, tu vois, il ouais. a, c'est un ouais, peu... Oui, non, c'est très sympathique. En plus, on en apprend énormément sur le jazz. Moi, je commence à m'attendre vraiment de familiariser depuis que je fréquente le Club Saint-Lambert, et, notamment eh bien, au niveau du jazz. Et d'ailleurs, il y a des événements qui arrivent, qui se profil, n'est-ce pas Clément? Ah oui, le Club Saint-Lambert est toujours actif et prépare toujours de nombreux événements dans le bassin de Nancy. Et effectivement, on a quelque chose sur le feu là qui arrive dans un petit peu plus d'un mois. Ouais. Et comment s'appelle cet événement? Alors les filles, on va vous donner la parole. C'est ça, Manon et Tressy et Ninon. Voilà, bon, j'ai fait un mix. Tressy et Ninon, excusez-moi. Tressy et Ninon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'événement qui arrive dans un mois du club? Alors, du coup, nous, on est les stagiaires chargés de la communication du nouvel événement pour le Club Saint-Lambert. Donc c'est un événement qui va avoir lieu le mercredi 21 mars avec à la brasserie l'Excelsior. C'est un dîner-concert, donc il y aura trois musiciens. Ils vont reprendre les morceaux joués à bord du Titanic. Ah. Donc on va pouvoir un peu revivre l'ambiance. Il y aura toute une ambiance en fait, Titanic. Ambiance, Du dîner première classe, un peu chic comme ça. Jusqu'à la fin même où ils jouent les derniers morceaux. Près de toi mon Dieu. Voilà, oh là là. Quelle tristesse, je pleure encore, Leonardo. Excusez-moi les filles, je suis partie dans un délire. Voilà, donc j'ai fait le tour. Il faut surtout penser à réserver. Oui, où ça? Comment? Auprès de l'Excelsior. Auprès de l'Excelsior, oui. Directement? D'accord, le Club Saint-Lambert, on peut les contacter pour avoir un peu des infos? Ah ben... Je pense. Oui, bien sûr. Oui. Ah ben oui. On est actif sur les réseaux sociaux, donc on peut nous écrire à tout moment. D'accord, à tout moment. Ça sera de quelle heure en fait hein? Oui. Ça commence à 20h. D'accord, et du coup, ça dure un petit moment quand même, oui, parce que dîner-concert, il y en a au moins. Bah, jusqu'à l'heure du naufrage, à 4h du matin. Ouais. D'accord. Et du coup, donc les sections. On mange, c'est ça, on mange, hein, c'est quand même l'objectif aussi. On peut donner un ordre de tarif, non? Pour inciter les gens, pour leur donner une idée, on va dire ça comme ça. 39,90. Oui, donc c'est complètement accessible pour le coup. Avec un avantage pour les adhérents. C'est ça, une coupe de champagne qui est offerte. D'accord. C'est ça, ouais. Comme d'hab, on a toujours un petit avantage qui est réservé à nos adhérents. Alors c'est vrai que souvent dans les événements du Club Saint-Lambert, nos adhérents ont la plupart du temps des tarifs préférentiels. Là, c'était plus simple de laisser tout au même tarif, mais il y a toujours le petit bonus. Et là, c'est une coupe de champagne offerte à chaque adhérent du Club Saint-Lambert. Voilà, donc on peut suivre tous les événements, à commencer aussi par ce soir. Il y en a un aussi ce soir. Ah oui, c'est vrai. Alors ce soir, c'est pas le Club Saint-Lambert. Oui. Ah oui, c'est pas le Club Saint-Lambert. Mais bon, c'est la scène jazz annoncée. Oui, c'est vrai, oui. Il y a Mario Sagantia, que bah, certaines personnes qui sont venues aux deux représentations du jazz à 100 ans, Salle Poirel, ouais, Club Saint-Lambert, ont pu voir sur scène, parce que Mario Sagantia, c'était notre chanteuse de gospel et de blues qui ouvrait a cappella le spectacle du jazz à 100 ans. Et elle joue ce soir avec son pianiste au bar du Grand Hôtel de la Reine, ouais, de 19h à 23h. Ça a bien fonctionné d'ailleurs sur les dernières éditions pendant le mois de décembre. Oui, ils sont assez contents. Hein, ça leur amène pas mal de monde. Bah oui, c'est ça. Donc, vous le savez, entre autres, eh bien, nos animateurs chroniqueurs de l'émission ont tous des activités autour du rétro. Clément, c'est le Club Saint-Lambert. Bah, Catherine, c'est pour le Salon des Collectionneurs. Et il y a aussi, alors on parlera de Christelle aussi d'ici quelques instants, et Laura aussi, le Fripp Show. Alors, est-ce qu'on en parle tout de suite ou on attend un peu, Laura? Tu veux qu'on en parle tout de suite un peu du Fripp Show? Allez, on va en parler tout de suite. Allez, gens. Eh ben déjà, le Fripp Show est actuellement au Bouclard. C'est pour ça qu'Adrien n'est pas là. Explique-nous ce que c'est que le Fripp Show. Il y a peut-être des gens qui arrivent là et qui ne savent pas. Eh ben oui, je vais m'expliquer. Alors, le Fripp Show, c'est une friperie vintage. Donc, à la base, nous étions en ambulant et puis on faisait des boutiques éphémères. Donc, oui, actuellement, on est en boutique éphémère au Bouclard. Donc, Adrien y est jusqu'à 21h. Donc, on reste 3 jours au Bouclard. C'est rue Henri Bazin, en face de l'école d'architecture. D'accord. Je sais plus le numéro, mais en tout cas, on reste 3 jours. Donc, aujourd'hui, c'est donc 14h, 21h. Demain, 14h, 19h. Et dimanche, 14h, 17h. Voilà. Et ensuite, grande nouvelle, c'est que le Fripp Show s'installe dans une boutique. Waouh, wow. Félicitations. Merci. Et les boutiques, et la boutique là, on va la trouver où alors? Eh ben, on va la trouver au 68 Grande Rue, donc en vieille ville. Et on va ouvrir le 24 février, soit samedi prochain. Samedi prochain. Il faut des musiciens pour l'inauguration. Ça, c'est génial. Ah, ça sent bien. Ouais. D'accord. Et donc, c'est la semaine prochaine. Voilà. On va pouvoir retrouver ce qu'on retrouvait dans vos ventes ambulantes, on peut dire. Oui, ainsi, mais avec plus, voilà, parce qu'on va pouvoir faire un turnover régulier. Donc, il y aura tout le temps des nouveautés. Donc, c'est des vêtements des années 60 aux années 90. Vêtements pour hommes et femmes. Hein, ouais. On a moite-moite, c'est mixte. Des accessoires aussi. Des accessoires et puis un petit peu d'objets de déco, mais c'est essentiellement des vêtements et des accessoires. Eh ben c'est cool en tout cas. Ouais. Longue vie au Fripp Show et n'hésitez pas à retrouver aussi leur page Facebook. Vous l'alimenterez toujours autant de toute façon. C'est Fripp Show sur le réseau Facebook et sur Instagram aussi. Oui. Sur Instagram aussi. Eh bien, en parlant un peu de déco, de mode, tout ça, on va poursuivre cette émission avec toi, Naïk. Oui. Et notamment avec un peu de l'ambiance hivernale, un peu cocooning. C'est ça. Oui, parce que bon, il fait un peu frisqué quand même en ce moment. Les températures sont un peu descendues. Oui. Donc, j'avais envie de parler cocon, oui, maison. Voilà, quand on est bien au coin au du feu, le dimanche, avec son chéri. D'accord. Voilà, enfin bon, là je m'enflamme un petit peu. Ses chéris ou ses animaux. Enfin, qui vous voulez en même temps, j'ai envie de vous dire. Ses animaux si on est seul. Hein, oui, tout à fait. Son cheval. On n'a pas le droit d'avoir un cheval domestique. Bah, un cheval en bois, si, oui, ça peut rentrer éventuellement. Possible. Donc, un héron, moi j'ai un héron. Ou des grenouilles. Un héron, excuse-moi, je te coupe avec mes bêtises. Non, donc voilà, j'avais envie de vous parler de l'ambiance cocooning que vous pouvez faire chez vous avec une petite chronique un petit peu courte. Donc avec j'ai sélectionné 3 éléments essentiels, oui, qu'on voit un peu partout dans les boutiques ou dans les magazines déco, avec notamment le plaid. Hein, le plaid qu'on en voit partout, des plaids. Donc autrefois c'était un grand tissu assez épais, en fait en laine sergée. Donc le sergis, c'est un tissage avec des côtes obliques. Donc là après c'est un peu technique sur l'endroit et l'envers. La plupart du temps donc c'était en tartan. Il servait de manteau aux Écossais, en fait, pour lesquels le plaid affirmait le clan, en fait, auquel ils appartenaient. Donc, il faut savoir que le nom plaid désigne aussi une couverture. Et nous, c'est un petit peu comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc, on en voit un petit peu partout. Et comme l'année dernière, en fait, la tendance est à la maille XXL. Donc, vous avez des énormes plaids, soit en façon tricot, en laine ou en trapilo. Trapilo. Voilà, François, qu'est-ce que le trapilo? Qu'est-ce que le trapilo? Personne ne sait. Trapilo, je dirais, je sais pas. Trapilo. Ça ressemble à un petit bonbon. Trapilo. Ça c'est bien, tu vois, quand tu fais le Scrabble et tu sors un mot comme ça, ça en jette. Ouais, mais personne te croit. Ouais, mais justement, les gens te font confiance en fait. Donc le trapilo, c'est un fil de jersey de coton rouloté. Je vous mettrai une petite photo sur Facebook. Un fil de jersey de coton rouloté. Oui. Alors. On dirait le nom d'un animal aquatique. Oui, c'est compliqué. Donc le plaid, vous pouvez l'utiliser donc pour habiller votre canapé. Vous pouvez l'utiliser en dessus de lit dans votre chambre. La tendance couleur un petit peu pour cette année, c'est un peu rose poudré, bleu nuit ou bordeaux. Voilà. Après, vous pouvez aussi partir dans d'autres couleurs, d'autres coloris. Vous pouvez peut-être en trouver dans des boutiques comme Flip Show, je sais pas. S'il n'y a pas de plaid encore, non. Elle me dit que non. Non, mais ça pourrait être un article qu'on pourrait avoir chez vous. Vous pouvez aussi, donc, deuxième élément, les tapis. Les tapis, ça réchauffe une ambiance. Voilà, ça donne une ambiance cosy. Pas besoin d'un tapis géant que vous allez payer un peu la peau des fesses. Oui. Vous pouvez en prendre des petits, en fait, que vous pouvez superposer. Et enfin, le troisième élément, c'est la guirlande lumineuse. Donc, la guirlande lumineuse, c'est pareil. On en voit partout. Vous pouvez illuminer un peu la tête de lit, par exemple, ou dans le salon autour d'une étagère. Un miroir soleil, par exemple, en rotin, qui est assez vintage, ou dans une dame Jeanne. Donc, la dame Jeanne, on en a déjà parlé dans un coup d'œil dans le rétro, c'est des espèces de bonbonnes. C'est pour faire le rhum arrangé. Voilà. Ouais, je me doutais que t'allais dire ça. J'aime bien, c'est voilà, les grosses bonbonnes, donc en verre. Voilà, effectivement, ça servait pour contenir de l'alcool. Vous pouvez glisser donc des petites guirlandes. Pas besoin d'acheter des guirlandes chères. En fait, vous prenez tout simplement des guirlandes. Vous savez qu'on met sur les sapins. Oui. Vous la glissez dedans, en fait. Petite ambiance guinguette. Et ça fait une espèce de petite ambiance cosy en bas d'un escalier. Voilà, ça va. Voilà, c'est une petite lumière sympathique au coin du feu. Voilà, donc trois éléments essentiels pour une ambiance cocooning. Voilà, que je vous conseille pour votre intérieur. Eh ben, écoute, c'est plutôt bien. Hein, en tout cas, en cet hiver qui, on est encore pour un mois d'hiver. Oui, un mois d'hiver. Hein, oui. Voilà. Bon, ici trois, mais mais c'est comme ça. Hein. Eh ben, profitez-en. Voilà, les plaids, au moins, on les rentabilise sur toute l'année. Hein, l'ambiance cocooning, on peut la rentabiliser tout au long de l'année. Alors, Anaïk, pourquoi tu nous suggères ce titre de France Gall, que tout le monde connaît? J'avais envie de revenir sur une artiste française, pour le coup, qui a compté quand même beaucoup dans la chanson... dans la chanson de notre pays, France Gall, qui est malheureusement partie il n'y a pas longtemps. Donc ça commence à faire beaucoup là au niveau des artistes français. Voilà, oui, on commence un peu. Donc c'était un petit clin d'œil. C'est un titre de 1965, Poupée de cire, Poupée de son. On se retrouve juste après ça. Allez, encore une dizaine de minutes d'émission. Profitez-en. Bon début de week-end si vous nous rejoignez sur Fadjet. Éclat de voix autour de moi, j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Poupées de cire, chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, posée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Alors, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes sur Fadjet. Puis le jingle n'arrête pas de tourner, je sais pas pourquoi. On est ensemble jusque 18h. Alors, on a pas mal de choses à vous dire. Hein. On est dans le speed, mais on essaye de tout condenser en une heure. Et donc, notre Christelle, notre Kiki, notre Youplaboum, Christelle Youplaboum, elle va nous parler, entre autres, des années folles. Oui, exactement. Alors, pauvre située, on parle de la période entre 1920 et 1929, juste après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Les années folles sont synonymes de Charleston, de jazz, et à Clément qui m'a un peu inspiré du coup. Bah oui, de coiffure à la garçonne, de lèvres rouges, d'amour libre et de cigarettes, des jupes courtes et à la fin, la grande dépression. Alors, les années folles, est-ce qu'elles ont vraiment duré 9 ans? C'est marrant que tu me poses cette question, François, dis donc, parce qu'elles ont duré seulement 5 ans, entre 1924 et 1929, mais c'est juste qu'à l'époque, on vivait à 200 à l'heure. Et oui, parce qu'après les horreurs de la guerre, tout va très vite. On voulait s'amuser, la société avait du retard à combler, et parallèlement, elle découvrait des nouveautés techniques, comme l'automobile, l'électroménager, le téléphone, la radio et le gramophone. Toutes ces technologies ont rendu la vie des gens plus facile et plus agréable, et ils avaient envie de croire en un avenir plus simple et tranquille. Les femmes, par exemple, avaient de nombreuses portes qui s'ouvraient devant elles, parce qu'elles avaient remplacé leurs maris aux postes les plus divers pendant la guerre, et du coup, elles ne voulaient plus retourner à des travaux domestiques. Mais elles voulaient trouver des emplois mieux considérés, mieux payés, et c'est ce qu'elles firent. Droit de vote, elles acquièrent le droit de vote dans les années 20 aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'elles font de cet argent? Alors, parce qu'avant la guerre, c'est leur mari qui gagnait pour toute la famille. Ben voilà, avec cet argent, elles investissaient en fait dans leurs apparences. Parce que la guerre leur avait appris qu'on pouvait tout perdre du jour au lendemain. Et du coup, elles voulaient profiter de la vie et du temps présent, tant qu'on était jeune et en vie. C'est à cette époque qu'est né le culte de la jeunesse, dans lequel on est toujours. On buvait, on fumait et on dansait jusqu'à pas d'heure. C'était parfait pour perdre du poids. Et oui, parce que la femme de cette époque, qu'on appelait la garçonne, devait être mince. Et ça vient d'où alors la garçonne? Alors la garçonne, ça vient d'un roman de Victor Marguerite qui est paru en 1922 et dont le titre était La garçonne. Ce livre fut jugé pornographique et fut censuré parce qu'il décrivait les femmes qui avaient les cheveux courts, faisaient carrière, portaient des vêtements d'hommes et s'adonner à l'amour libre. Eh ben dis donc. Franchement, ça se fait pas. Coquin, hein. Non, pas du tout. Alors du coup, les gens le lisaient sous le manteau, évidemment, quand c'est interdit, on a envie du coup de le faire. Et il devint un best-seller. Pendant plusieurs années, le personnage principal devint le modèle des jeunes femmes androgynes qui aimaient faire des choses scandaleuses ou interdites. Il faut savoir qu'à cette époque, la pénurie d'hommes était dramatique. Et oui, les filles, le rapport était de 3 femmes pour un homme. C'était donc fini de rêver à l'idéal de l'épouse et de la mère entretenue et attentionnée. Il valait mieux jouer les vampes, comme celles qu'on voyait au cinéma et qu'on copiait. La garçonne se rasait, se maquillait et se parfumait, comme si elles étaient toutes les héroïnes du grand écran. Alors, la garçonne, elle avait quel look à cette époque? Alors, la garçonne, elle portait bien son nom, justement. Elle avait les cheveux courts et le corps androgyne, à tel point que les seins et les fesses étaient inexistants. Oh. Une vraie planche à pain. Et comment c'est possible qu'elles aient toutes le même corps? Ah oui, c'est vrai, tu fais bien de me poser la question, parce que déjà, il y avait le sport, les régimes et un élément non négligeable, les gaines élastiques qui aplatissaient tout. Youpi! Terminé. Bien sûr, il y avait les femmes âgées, ça existait, et celles qui étaient rondes. Mais tout cela a disparu de l'image de cette décennie-là. On a juste voulu montrer l'éclat de cette période de richesse économique et culturelle. Et au niveau de la mode, on était comment? Alors, la mode, au début des années 20, les jupes restèrent aussi courtes que pendant la guerre, c'est-à-dire au-dessus de la cheville. Ouh là là! Il faut préciser que dès 1914, l'occupant allemand réquisitionne les matières premières. Donc les rubans, la laine, les accessoires et les tissus. Alors la mode s'adapte, les modèles sont légèrement raccourcis pour économiser le tissu et on oublie les garnitures. Ensuite, les couturiers se font entendre, la jupe redescend à la cheville, puis remonte au mollet avec la robe sac, qui est une robe toute droite retenue aux hanches par une ceinture. Le haut de la robe tombait donc comme un pull sur une jupe taille basse. C'est ce qui nous rappelle les robes de Charleston, en fait, qui naîtront à cette époque-là. En 1925, l'ourlet remonte sous le genou et en 1927, il montre le genou pour la première fois. La robe ressemble alors à l'image que l'on a à l'époque. Une simple nuisette qui est retenue par 2 bretelles très fines. Pour la première fois dans l'histoire de la mode, la robe qu'on portait en soirée était aussi courte que celle qu'on portait le jour. Alors du coup, pour transformer cette robe qui était assez simple en robe de soirée, on utilisa des tissus transparents ornés aux endroits stratégiques avec des perles ou des franges qui soulignaient pendant la danse ce qu'elle devait cacher. Ajoutez à cela des décolletés qui descendaient jusqu'à la taille, sur le devant et dans le dos aussi. Et qui ne dévoilaient, du coup, ils dévoilaient rien du tout, puisque voilà. C'était des planches à pain. En plus d'être raccourcie et décolletée, la robe devint légère. Généralement, elle était en soie synthétique, ce qui fut vraiment important pour l'émancipation de la femme qui, avant cela, portait encore des corsets, etc. Il y a un truc rigolo aussi, en complément de ça, c'est que la rythmique du Charleston, elle était aussi faite pour faire s'agiter les nanas, et justement les bandes glissent et qu'on voit plus choses pendant qu'elles dansent. Alors, au niveau des accessoires. Alors, il fallait provoquer, comme je vous l'ai dit, on voulait ressembler aux stars de cinéma. Donc, on avait le fume, cigarette. Il y avait aussi le boa, l'éventail en plumes d'autruche colorées, et plus sage, le sautoir, les poudriers, les bandeaux en tulle garnis de perles de verre pour la nuit, et les chapeaux cloches le jour. Et puis les chaussures à talons étaient avec une bride pour maintenir pendant que les femmes dansaient. Il fallait qu'elles puissent danser le Charleston et le shimmy, donc avec des chaussures qui glissaient pas et qui tenaient bien la cheville. Le top, c'était de se faire réaliser les chaussures de danse dans le même tissu que la robe du soir. Classe. Et aujourd'hui alors ? Alors aujourd'hui, le style des années 20 s'est réimposé dans la mode à partir de 2012 avec le défilé Gucci, mais il reste quand même associé aux robes de soirée. D'où l'engouement pour cette époque à l'occasion de mariages à thème ou alors des soirées déguisées. On l'a vu également dans le film The Artist en 2011 et on le voit réapparaître avec le retour des cours de Lindy Hop depuis une petite dizaine d'années en France. Merci Christelle, en tout cas c'est aussi bien expliqué tout ça. Christelle, d'ailleurs on peut te retrouver aussi toi parce que tu es une artiste aussi, hein, c'est tout ça ? Tout à fait, alors moi je travaille à l'atelier des couleurs qui est situé rue Jeanne d'Arc, c'est simplement mon atelier où je peux dessiner, illustrer, etc. Et on peut venir me faire un coucou, boire un café avec moi. Mais t'as exposé un petit peu tous tes hommes modernes et tes femmes modernes un peu partout, non ? Oui, sous alors... Sous forme de sous-box, sous forme de... Non, il n'y a pas... Voilà, il y a des sous-box à la plantation. Ouais, c'est ça. Je les ai créés spécialement pour ce bar. J'ai des choses aussi chez les Insolines en vieille ville. Oui. Et puis au Bouclard également. D'accord, au Bouclard. Et des cartes postales un petit peu partout. Allez, nous reste quasiment plus que 3 minutes, les amis. On va terminer avec notamment les sorties à faire, n'est-ce pas, Naïk ? Alors, tout à fait. Donc, on va quand même rappeler la sortie de ce week-end avec Catherine, donc, qui était notre invitée. Donc, vous avez donc, le salon des collectionneurs donc, organisé par l'association Alco. Donc, ça se passe à la salle des fêtes de Gentilly, près du Parc des Sports, samedi et dimanche. Et Catherine me disait tout à l'heure que vous pouvez aussi retrouver des objets un peu insolites, notamment le Makou. Le Vacuvas, en fait, qui est un jouet pour enfants. Et visiblement, c'est assez rare. Donc, vous pourrez. Non. Alors, le jouet lui-même, il n'est pas rare. C'est cette collection. La collection. Où il y en a des très, très rares. Mais en fait, c'est un petit jouet très, très courant. C'est un petit jouet à poussoir avec des élastiques qui représentent des petits animaux. Quand on appuie sur le bouton poussoir, l'animal s'effondre. Et puis, quand on relâche le bouton, il se redresse. Et il y en a des absolument extraordinaires. J'avais un âne. Voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas à y aller. Voilà, c'est ce week-end, l'entrée c'est 2€, donc c'est complètement accessible. Toujours dans les sorties, donc vendredi, donc 23 février, de 21h à 2h, il y a la soirée Chicago Club Royal rue Gambetta à Metz. Donc il y a un dress code de rigueur et une tenue correcte exigée. L'entrée c'est 15€ et vous avez les infos et réservations sur le site www.leroyal-metz.fr. Samedi 3 et dimanche 4 mars, vous avez le salon du vintage donc au Luxembourg. Ouais. L'entrée c'est 7€. Vous avez toutes les infos aussi sur Facebook. On rappelle aussi qu'on retrouve donc Frip Show ce week-end au Bouclart. Oui. Enfin, le 21 mars, donc là c'est un petit peu plus loin, mais dépêchez-vous pour réserver parce que je pense que les places seront vite prises. Donc on retrouvera le Club Saint-Lambert avec son événement donc à la brasserie L'Excelsior. Je vais pas y arriver. Et la prochaine émission, c'est quand ? Et la prochaine émission donc sera, je pense, aux alentours du vendredi 16 mars. Voilà. On est un peu rapide sur la fin, il est déjà 18h les amis. On doit vous laisser parce que maintenant c'est vous tous d'être Merci venus. Merci à vous. Petite dédicace à mes collègues que j'embrasse très fort. Voilà, on dédicace à tout le monde. Continuez à nous écouter, ça nous fait bien plaisir. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao, ciao. Salut, les programmes. Bon week-end. Bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.